suis un vieux combat. Fait de l'arme et de l'âme, de peine et de haine, de joie et de fracas. Mais quand on aime, on s'aime. Car dans mes veines coule ta scène. Des sous sont avancés d'un être déplacé. Mais elle crie au secours, car c'est son seul recours. Perte de connaissance, la totale défaillance. A pété les plombs et perd sa seule raison. Quand je me mets à polir pour un être martyr, quand je viens en passé, qu'il faudrait oublier. La vie est un courant, des actes renversants. De soulever le mérite, d'humour et d'amour. Mais quand on rêve, on espère. Car dans mon cœur règne une lueur. Refusons espérer d'un être paumé. Mais t'en efface rien, car c'est juste un destin. Perte du sommeil d'un réveil mortel. À vomir ses rêves et gerber toute sa paix. De mal à venir pour un être martyr. Tant de bien au passé qu'il faudrait oublier.